الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Nous continuons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre كشف الشبهات écrit par l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier les paroles de l'auteur dans lesquelles il nous a expliqué la situation des gens auprès desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et il nous a expliqué la nature du shirk, du polythéisme qu'il commettait et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu leur interdire. Tout comme il nous a démontré que ces polythéistes reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul créateur, possesseur et administrateur de toutes choses dans cet univers. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique que ce tawhid auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on refusait d'accepter les polythéistes, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et que ce tawhid est le sens même de la parole « La ilaha illallah » qui signifie « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah ». Et le Shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer et nous démontrer que ceci est le sens réel de cette parole et que c'est ce qu'avaient compris clairement les polythéistes à qui s'adressait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit donc, « فَإِنَّ الْإِلَهِ عِنْدَهُمْ الْإِلَهِ » le mot « الْإِلَهِ » que l'on peut traduire par « le Dieu » chez eux, c'est-à-dire chez les Arabes, du peuple de Quraysh, vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ceux à qui il s'est adressé en leur disant, dites, la ilaha illallah, et vous réussirez. Comment comprenait-il ce mot? Qu'est-ce qu'il comprenait du mot al-ilah? Le Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit que pour eux, al-ilah, le Dieu, c'est celui vers lequel on se dirigeait, c'est-à-dire celui que l'on invoque, celui auquel on voue des sacrifices et des vœux et autres parmi les formes d'adoration. Et on se dirige vers lui pourquoi? Pour rechercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir leur intercession auprès d'Allah. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. Peu importe que ce soit un ange, un prophète, un vertueux, un wali, un arbre, une tombe, un djinn ou toute autre chose. Peu importe ce qu'est cette chose vers laquelle on se dirige et à laquelle on voue ses formes d'adoration. Ceci est considéré comme une ilah, une divinité. Un dieu, car on lui voue une forme d'adoration. Et c'est ce qu'avaient compris les Arabes. Le Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. Pour eux, الإله, ce n'était pas, ou n'avait pas pour sens, le créateur, celui qui donne la subsistance et celui qui administre, c'est-à-dire toute chose dans cet univers. Ce n'était pas cela pour eux le sens d'الإله. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. Il savait avec certitude que cela revient à Allah seul. Comme on l'a vu précédemment, le Cheikh nous a mentionné les preuves de cela dans les lignes précédentes. Les polythéistes savaient avec certitude et reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à donner la vie, à donner la mort et administrer tout dans cet univers. وَإِنَّمَا يَعْنَوْنَ بِالْإِلَهِ مَا يَعْنِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَوْذِ السَّيِّدِ. Mais eux, ils comprenaient et ils visaient par le mot Al-Ilah, le Dieu, la divinité, ce que visent les polythéistes à notre époque par le mot Al-Sayyid. Lorsque les gens disent Sidi Intel ou Sidi Intel, vous avez tous certainement déjà écouté des personnes désigner quelqu'un par cette appellation. Et vous n'avez qu'à regarder les noms de nombre de villes dans beaucoup de pays musulmans, et plus particulièrement en Afrique du Nord. Vous verrez que nombre d'endroits ont pour nom Sidi Atal, avec le nom d'une personne. Et qu'est-ce qui est visé par Sidi? C'est une personne au sujet de laquelle les gens ont exagéré, qu'ils considéraient comme vertueux et comme intermédiaire entre eux et Allah. Et bien souvent, on trouve la tombe de cette personne dans cet endroit. Et même si, dans certains endroits, ces tombes ne sont plus vénérées ou adorées, elles l'ont été à un moment donné. Et de la même manière, vous trouverez dans certains endroits des noms de villages ou de villes avec des femmes qu'ils ont considérées comme vertueuses. Et ils disent « Lala » à la place de Sidi, ils disent « Lala, Lala une telle » avec le prénom de cette femme. Et bien souvent, on trouve la tombe de cette femme dans cet endroit ou dans ce village. Donc les gens, ils ne se rendent pas compte, ils disent « Nous allons vers la tombe de Sidi un tel, vers la tombe de Lala une telle. » Et ils se rendent auprès de cette tombe ou de ce mausolée. Ils font des invocations, ils adressent des demandes à ce mort, ils recherchent la bénédiction en se frottant à sa tombe, ils font des sacrifices pour lui, ils lui vouent des vœux, et autres parmi les formes d'adoration qui relèvent toutes du polythéisme majeur. Et le fait que cette personne ou ce mort ou ce mausolée soit appelé Sidi, ou Wali, ou Saint, ou autre parmi les appellations, cela ne change rien à la réalité des choses. Cette chose ou cette personne est prise pour divinité, pour Dieu, en dehors d'Allah, car le culte lui est voué. À partir du moment où il pense que cette personne a un rang particulier auprès d'Allah, et qui lui donne l'aptitude d'être un intermédiaire entre eux et Allah, et qui lui permet d'être invoqué en dehors d'Allah, ou qu'on lui voue des adorations quelconques en dehors d'Allah, cette personne, cette tombe ou ce mausolée, ou quelle que soit la chose qui est adorée, elle est prise pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle fait partie des faux dieux et des fausses divinités. Et l'appellation ne change rien à la réalité des choses. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il nous dit « فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc venu à son peuple et il les a appelés à la parole du tawhid. Et quelle est la parole du tawhid? Le shaykh, il nous dit « وَهِيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » La ilaha illallah, c'est la parole du tawhid. Et elle contient l'annulation et le rejet de tout ce à quoi les polythéistes s'attachent en dehors d'Allah et à quoi ils vouent différentes formes d'adoration. Car comme on l'a dit, cette parole, elle signifie « il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré ». Ou alors on pourrait dire « nul n'est en droit d'être adoré ». Rien n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, illallah. C'est cela le sens de cette parole. Il est important de bien comprendre cette parole car c'est la base même de notre religion et c'est l'appel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu et a dit aux gens « Dites la ilaha illallah et vous réussirez ». Et le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur un point important, il nous dit « Wal muradu min hadhihi al-kalima » et ce qui est visé par cette parole, c'est-à-dire par la ilaha illallah, « ma'naha la mujarrada lawdhiha » c'est son sens qui est visé et pas simplement ses termes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prononcer cette parole pour la concrétiser, bien qu'il soit indispensable de la prononcer pour entrer en islam. Mais ce n'est pas sa prononciation en elle-même qui est visée. Ce qui est visé, c'est le sens de cette parole, ce qu'indique cette parole et ce qu'elle exige comme œuvre après que tu l'aies prononcée. Le shaykh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit « Il n'est pas suffisant de prononcer la ilaha illallah sans connaître son sens et sans œuvrer selon ce qu'elle implique. Mais il est indispensable de savoir quel est son sens, premièrement, puis de mettre en pratique ce qu'elle implique. Car il n'est pas possible d'œuvrer selon ce qu'elle implique alors que l'on ignore son sens. » Fin de citation de la parole du shaykh, hafidhahullah ta'ala. Donc ça, c'est un point très important également. La ilaha illallah, ce n'est pas juste des mots que tu prononces, mais c'est des mots qui ont un sens. Ce sens, tu dois le connaître. Et la prononciation de ces paroles et la connaissance de ce sens exigent de toi certaines œuvres que tu te dois de mettre en pratique. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite, « Wal kuffarul juhal » يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que les mécréants ignorants, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visait par cette parole le fait d'unifier Allah par l'attachement. Qu'est-ce qui est visé par l'attachement? Ce qui est visé par l'attachement, c'est l'attachement du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton cœur soit lié à Allah seul, que tu places ta confiance en lui, que tu n'aies espoir qu'en lui, que tu n'aies peur que de lui, et ainsi de suite. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que les mécréants, bien qu'ils étaient ignorants, ils avaient compris que c'est cela que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il attendait d'eux qu'ils unifient Allah par l'attachement, c'est-à-dire qu'ils délaissent l'attachement à tout autre qu'Allah, وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ, et qu'il mécroit, qu'il renie, qu'il rejette tout ce qui est adoré en dehors de lui, en dehors d'Allah. وَالْبَرَأَةُ مِنْهِ, et qu'il s'en désavoue. Ils avaient très bien compris le sens de cette parole. فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah, ils se sont enfuis. Ils ont réprouvé cette parole, car ils ont compris son sens. قَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, a-t-il fait de nos divinités un dieu unique? Ceci est une chose surprenante. Méditez sur ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit d'attester que la ilaha illallah. Ils réprouvent cette parole, ils le fuient, et ils disent, a-t-il fait de des divinités un dieu unique? Ceci est une chose surprenante. Ils ont donc compris que ce qui était attendu d'eux était de ne vouer leur adoration qu'à un seul dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous indique qu'ils avaient bel et bien compris le sens de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ, lorsqu'on leur disait لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, ils étaient pris d'orgueil. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou, pour un poète majnoun? Donc vous voyez qu'ils avaient compris cette parole. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ, si tu sais que les ignorants mécréants savaient cela, ils savaient le sens de la ilaha illallah, فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكُفَّارِ. Il dit, nous sommes alors surpris et étonnés de ceux qui prétendent l'islam, et même qui prétendent avoir la science en islam, alors qu'ils ne connaissent pas de l'explication de cette parole ce que connaissaient les ignorants parmi les mécréants. Il n'y a pas de doute que ceci est une chose surprenante. Et ceci nous démontre la profondeur de l'ignorance de ces personnes. Ils prétendent être musulmans. Certains même parmi eux prétendent avoir la science dans cette religion. Et ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah, qui est le premier pilier de notre religion. Certains parmi eux pensent qu'il suffit de prononcer cette parole pour être musulman. Ils ne comprennent pas que prononcer cette parole exige de nous la connaissance de son sens et la mise en pratique de ce qu'elle implique. L'auteur rahimahullah ta'ala, il nous dit, بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي. Il se peut même qu'il pense que ce qui est attendu de lui, que cela nécessite seulement la prononciation de ses lettres, de ses mots, sans la croyance du cœur des sens de cette parole, c'est-à-dire sans que le cœur croie au sens de cette parole. Il pense que pour être musulman, il suffit de dire « La ilaha illallah ». Il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur. Ce qui est visé par cette parole, c'est son sens et ce qu'elle implique, et que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il suffisait de prononcer cette parole, et que cette parole n'exigez rien de nous. Alors pourquoi les mécréants du peuple de Quraysh ne l'ont pas prononcé? Qu'est-ce qui les a empêchés de prononcer cette parole? Ce qui les a empêchés de la prononcer, c'est qu'ils ont compris son sens et ce qu'elle impliquait, et ce qu'elle exigeait d'eux comme acte. C'est pour cela qu'ils ont refusé de la prononcer. Ensuite, il nous dit « وَالْحَاذِقُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا لَا يَخْلُقْ وَلَا يَرْزُقْ إِلَّا اللَّهُ » Et le plus habile parmi eux, il va penser que le sens de cette parole, c'est que nul ne crée et nul ne donne la subsistance sauf Allah. Et on a vu dans les lignes précédentes que si cela était le sens de cette parole, alors les polythéistes de Quraysh ne l'auraient pas rejeté. Ils n'auraient pas refusé de la prononcer car ils reconnaissaient que Allah est le seul créateur. Donc pourquoi ils ont refusé de prononcer cette parole? Car ils comprenaient son sens. Donc le cheikh il nous dit, Afwan, et le plus habile parmi eux pense que cette parole signifie « Nul ne crée et nul ne donne la subsistance sauf Allah ». وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا اللَّهُ. Et nul n'administre l'ordre en dehors d'Allah. Comme si cette parole n'impliquait que l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et c'est cela qu'ont pour conviction nombre de personnes parmi les ignorants aujourd'hui. Ils ignorent la réalité du tawhid, la réalité du sens de cette parole. Ils ignorent l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah. Et c'est pour cela qu'ils vouent certaines adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils invoquent les morts, qu'ils vouent le culte aux tombes et aux mausolées, qu'ils leur demandent ce dont nul n'est capable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci relève du polythéisme majeur. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جُهَّالُ الْكُفَّارِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِمَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ » Il n'y a pas de bien dans un homme qui se voit dépassé en science au sujet du sens de la ilaha illallah par les ignorants parmi les mécréants. Les ignorants parmi les mécréants ont plus de science que lui concernant le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas de doute que cette personne est une personne mauvaise. Il n'y a pas de bien en elle et ceci est le moins que l'on puisse dire. Quelle ignorance plus grave que l'ignorance du sens de la ilaha illallah. Cette parole qui est la base et le fondement de notre religion. C'est sur cette parole que repose l'ensemble de ta religion. Y a-t-il une ignorance plus grave et plus mauvaise que l'ignorance du sens de cette parole? Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ici, il adresse un conseil aux musulmans et il dit « Il est obligatoire pour les musulmans de prêter attention à leur religion et de méditer sur l'appel de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et qu'ils comprennent leur religion d'une compréhension authentique, et qu'ils l'établissent sur des bases saines, qui est la croyance du tawhid, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes, et qu'ils ne se contentent pas de simples appellations et affiliations à cette religion, tout en restant sur des coutumes et des traditions qui s'y opposent. Fin de citation de la parole du Shaykh, hafidhahullah ta'ala, et ça c'est un conseil en or. Qu'on donne de l'importance à notre religion, qu'on ne se contente pas de simples appellations. Je suis musulman, je suis sur la sunna, je suis salafi. Cela n'est pas suffisant. Si tu fais ce qui s'oppose à l'islam, ce qui s'oppose à la sunna, ce qui s'oppose à la salafia, cette affiliation, elle ne te sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois donner de l'importance à ta religion. Chercher à apprendre ta religion. Chercher à la comprendre d'une compréhension authentique. Et la baser sur des bases saines, sur la croyance du tawhid, comme nous l'a mentionné le shaykh, hafidhahullah ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, « إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. » Si tu as pris connaissance de ce que je t'ai dit, c'est-à-dire dans tout ce que l'on a vu précédemment, d'une connaissance du cœur. Méditez bien sur cette parole, d'une connaissance du cœur, pas une connaissance de la langue seulement, une connaissance réelle, qui atteint le plus profond de ton cœur. On insiste sur ce point. Ce n'est pas seulement des prétentions de la langue. Car la prétention de la langue, si elle n'est pas accompagnée d'une connaissance du cœur, alors elle n'est d'aucune utilité pour la personne. Et la science, c'est la science qui se trouve dans ton cœur. C'est ça la clairvoyance. Ce n'est pas les paroles que tu prononces avec ta langue. Et ça, c'est d'une grande importance, mes frères et sœurs. Qu'on comprenne que la science, c'est pas simplement des paroles qu'on prononce. On est là dans ce cours, on parle de certaines choses, de certains points qui sont des points fondamentaux. L'objectif, ce n'est pas seulement d'en prendre connaissance, de se cultiver, ou de prendre des notes sur un cahier puis de l'abandonner, non. L'objectif, c'est que cette science, elle pénètre nos cœurs, le plus profond de nos cœurs, puis que l'on œuvre et qu'on mette en pratique cette science comme il se doit. C'est cela qui est attendu de nous. Donc le cheikh, il nous dit, si tu connais cela, si tu as pris connaissance de cela, d'une connaissance du cœur, que ceci a pénétré ton cœur, que tu l'as accepté, et que tu vas œuvrer selon ce que l'on a vu et étudié jusqu'à maintenant. وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ. Et que tu as pris connaissance également du shirk, c'est-à-dire que tu as compris ce qu'est le shirk, que tu as compris que le shirk, ce n'est pas de croire qu'il y a un créateur avec Allah, mais tu as compris que le shirk, c'est de vouer le culte à autre qu'Allah, d'invoquer autre qu'Allah, de faire un sacrifice pour autre qu'Allah, de vouer un vœu à autre qu'Allah, de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah, qui qu'il soit. C'est cela le shirk qui est venu interdire notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est très important de connaître qu'est-ce que le shirk. De la même manière que tu dois apprendre le tawhid, pour le mettre en pratique, tu dois apprendre ce qu'est le shirk, afin de t'en écarter. Donc il dit, si tu as pris connaissance du shirk, de l'association à Allah, alladhi qala Allahu fihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Celui au sujet duquel Allah a dit, selon le sens, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, quel que soit cet associé. Donc ceci te montre la gravité du shirk et l'importance de le connaître afin de pouvoir t'en écarter. Il nous dit وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ. Et tu as pris connaissance de la religion d'Allah avec laquelle il a envoyé ses messagers du premier jusqu'au dernier. الذي لا يقبل الله من أحد دينا سوى. Cette religion, en dehors de laquelle Allah n'accepte aucune autre religion. La religion de l'islam, qui est la religion du tawhid, la religion du culte exclusif voué à Allah. إن الدين عند الله الإسلام. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et l'islam, c'est quoi? Comment l'ont défini les savants? C'est l'islam ou lillahi bit tawhid, la soumission à Allah par le tawhid. La soumission à Allah en lui vouant un culte exclusif. Wal-inqiyad lahu bit ta'a, la soumission à lui par l'obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, et le désaveu du shirk, du polythéisme et de ses adeptes. C'est ça l'islam. C'est cette religion qui est la religion agréée d'Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, celle-ci ne sera pas acceptée de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc la réalité de cette religion, dont le fondement le plus important est le tawhid, si tu l'as comprise, il nous dit le shaykh, وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا. Et tu as pris connaissance que la majorité des gens sont devenus ignorants à ce sujet. Ils ignorent ce qu'est le tawhid et ce qu'est le shirk. La plupart d'entre eux ne savent pas la différence entre eux, la religion des messagers et la religion des peuples vers lesquels ils ont été envoyés. Il se peut même au contraire qu'ils prennent pour ennemis les gens du tawhid, qu'ils les blâment, qu'ils les rabaissent et qu'ils les combattent, au point même parfois en raison de leur ignorance, de suivre la religion des polythéistes. Tout cela en raison de leur ignorance. C'est cela qui a plongé beaucoup de gens dans l'égarement. Leur ignorance du tawhid, leur ignorance du shirk, le fait qu'ils ne font pas la différence entre les deux et qu'ils comprennent ces mots d'une compréhension erronée. C'est pour cela que beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur, dans la mécréance, dans le polythéisme, dans les innovations et dans les choses nouvelles en religion et ainsi de suite, en raison de leur ignorance de ces fondements immenses qui font pourtant partie de la base de notre religion. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit, une fois que tu as pris connaissance de tout cela, une connaissance du cœur comme on a dit, afadaka fa'idatayn, ceci t'apporte deux profits qui sont des profits immenses. Note bien ces deux profits. Al-oula, al-farhu, bi fadlillahi wa bi rahmatih. Le premier bénéfice, et la réjouissance de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. C'est-à-dire que tu te réjouisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis de connaître la religion des messagers alayhi salatu wassalam, de croire en cette religion et de la mettre en pratique. Et tu te réjouis également qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis de connaître la religion des polythéistes, de t'en écarter et de la renier. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis de connaître cela, qu'il t'ait guidé vers cette voie, qu'il t'ait guidé vers la voie des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam. Ceci est un bienfait immense. Et ce bienfait est d'autant plus grand lorsque tu as connaissance que la majorité des gens sur terre ont été privés de ce bienfait. Et plus encore, que nombre de personnes parmi ceux qui s'affilient à la religion de l'islam ont été privés de ce bienfait et ignorent la réalité de la voix des messagers alayhim salatu wassalam. Donc tu dois te réjouir de cela. Le shaykh nous dit, rahimahullah, kama qala ta'ala, comme Allah a dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ dit, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ c'est de cela qu'ils doivent se réjouir. Cela est meilleur que ce qu'ils réunissent. La grâce d'Allah, Cheikh Al-Fawzan nous dit que c'est l'islam. Et sa miséricorde, c'est le Coran. C'est de cela que tu dois te réjouir. Ceci fait partie des plus grands bienfaits sur toi. Cela est meilleur que ce que les gens réunissent. C'est-à-dire, cela est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient et que les gens cherchent à réunir. Les gens, ils courent après ce bas monde et ils se réjouissent lorsqu'ils en obtiennent un bien vil qui est voué à disparaître. Ils sont fous de joie lorsqu'ils gagnent de l'argent, lorsqu'ils se procurent un bien et ainsi de suite. Ils se réjouissent de cela. Ils se réjouissent de son argent. Ils se réjouissent des biens de ce bas monde qu'il amasse, alors que ces biens sont voués à disparaître. Mais ce dont le croyant doit se réjouir, c'est d'avoir été guidé à l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait permis de mettre en pratique cette religion. C'est de cela dont le croyant se réjouit. Car il sait que ces actes qu'il accomplit sincèrement pour Allah et par lesquels il se rapproche d'Allah, ce sont des biens durables, inshallah. Il les retrouvera auprès d'Allah et il en trouvera la rétribution. Bi'inillahi ta'ala. Donc il est obligatoire pour le croyant de se réjouir de ce bienfait immense. Et cette réjouissance est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْخَوْفَ الْعَظِيمِ » Et le deuxième profit que tu tires de cela, de tout ce dont tu as pris connaissance, dans ce que nous a mentionné le cheikh depuis le début de ce livre, cela va te mener à une peur immense. Tu te réjouis de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, et également tu as peur pour ta personne. Tu as peur pour ta religion. Tu te réjouis d'avoir été guidé à cette religion et à sa mise en pratique, mais tu as peur que ce bienfait te soit retiré et que tu sois privé de cette lumière et que tu t'égares comme les gens se sont égarés. Wal'iyadu billah. Donc celui qui a pris connaissance du tawhid et du shirk, il doit avoir peur d'être privé de ce bienfait et de tomber dans ce dans quoi sont tombés grand nombre de personnes parmi les gens, en s'opposant à ce fondement immense et en tombant dans le shirk. Il se peut que tu tombes dedans sans même le savoir, sans t'en rendre compte. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri et penser que tu resteras toujours sur cette religion. Ne te laisse pas leurrer par ta science, tes connaissances ou ta compréhension. Certaines personnes, lorsqu'on parle de shirk, d'adoration des tombes et des mausolées, ils ont conscience que ceci est absurde et insensé. Et par conséquent, ils se font leurrer par leur science et leur compréhension, et ils ne donnent pas d'importance à ce fondement. Donc le musulman, il ne doit pas se laisser leurrer, mais il doit sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur cette religion. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانِ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ si tu as connaissance que l'homme peut mécroire, tomber dans la mécréance en raison d'un mot ou d'une parole qu'il prononce avec sa langue. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ il se peut qu'il la prononce alors qu'il est ignorant, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte de la gravité de cette parole. فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ il ne sera alors pas excusé pour son ignorance, c'est-à-dire que le fait qu'il ignore la gravité de cette parole ne sera pas pour lui une excuse. Et il dit وَقَدْ يَقُولُهَا وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. Il se peut qu'il prononce cette parole pensant qu'elle le rapproche d'Allah comme l'ont pensé les polythéistes. Ils se rapprochaient de leur divinité et pensaient que cela les rapprochait d'Allah. Donc il leur vouait des adorations et disait que il faisait cela car ces divinités, ces personnes vertueuses ou autres étaient plus proches d'Allah et plus aimées d'Allah, donc il leur vouait l'adoration en dehors d'Allah. Et ceci est l'essence même du polythéisme majeur. Puis le cheikh de nous donner un exemple et de dire « خصوصاً إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم » D'autant plus si tu sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté au sujet du peuple de Moussa alayhi salam, malgré leur science et leur vertu. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont passés à côté d'un peuple qui se recueillait auprès de statues? Annahum atawhu qailin, ils sont venus à Moussa alayhi salam en lui disant ij'al lana ilahan kama lahum aliha, désigne-nous un dieu comme eux ont des divinités. Alors Moussa alayhi salam de leur répondre en les blâmant, innakum qawmun tajhalun, vous êtes certes un peuple ignorant. Donc vous voyez qu'une personne peut être sur la vérité, tombée par une parole dans la mécréance si elle persiste sur celle-ci après avoir été blâmée. فَحِينَ إِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْسُكَ عَلَى مَا يُخَلِّسُكَ مِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ. Il dit à ce moment-là, une fois que tu as connaissance que l'homme peut tomber dans la mécréance par une parole, ta peur va grandir. Tu vas avoir peur de tomber dans le polythéisme et tu vas faire de grands efforts et veiller à ce qui te permettra de te délivrer, de te libérer de cela, du shirk et autres parmi les choses semblables. Et parmi les plus grandes causes qui vont te permettre de te délivrer du shirk et de ce qui mène au shirk, le fait d'étudier la science religieuse, d'étudier ta religion, d'apprendre les fondements de l'islam, les fondements de la croyance authentique. Car celui qui ignore, il se peut qu'il tombe dans le shirk sans même s'en rendre compte. Tu dois donc apprendre qu'est-ce que le shirk, sur quoi est basé le shirk, quelles sont les choses qui mènent au shirk, quelles sont les voies menant au shirk, au polythéisme, quelles sont les différentes catégories de polythéisme, afin de t'en écarter. Et vous connaissez certainement ce célèbre hadith rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui nous dit, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogeaient au sujet du bien, et moi je l'interrogeais au sujet du mal par peur qu'il ne m'atteigne. Ceci fait partie de la science que l'on doit rechercher, connaître le mal par peur qu'il ne nous atteigne. Donc tu apprends la vérité, tu apprends le tawhid, tu apprends ce qu'est le tawhid, quelles sont les catégories de tawhid, comment mettre en pratique le tawhid, tu apprends la sunna, qu'est-ce que la sunna, comment mettre en pratique la sunna. Et en parallèle de cela, tu apprends également tout ce qui s'y oppose. Tu apprends qu'est-ce que le shirk, quelle est la nature du shirk, quelles sont les formes de shirk, quelles sont les voies menant au shirk. Tu apprends qu'est-ce que l'innovation, quelles sont les voies menant à l'innovation, quelles sont les catégories d'innovation et ainsi de suite, tout ça, afin de pouvoir t'en écarter. Tu apprends le bien pour le mettre en pratique et tu apprends le mal afin de pouvoir t'en écarter. Et également parmi les causes te permettant d'être à l'abri du polythéisme et d'être à l'abri de l'égarement, il y a le fait que tu reviennes sincèrement et véridiquement à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de te raffermir comme le faisait souvent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui invoqua Allah en disant « Ya muqallib al-quloub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs sur sa religion, qu'il nous aide à comprendre le tawhid, à comprendre notre religion d'une compréhension authentique, qu'il nous aide à mettre en pratique cette religion et à suivre les pas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous préserve du polythéisme et de tout ce qui s'oppose à la voie des messagers alayhi salatu wassalam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.